If you had any problems with those new words and phrases, go back and review them until you feel quite confident with them. And then, when you're ready... Continuez la prochaine conversation. À la librairie Hervé. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Monsieur, que désirez-vous? Nous cherchons un dictionnaire français-anglais. Un dictionnaire français-anglais. Voici le plus récent. Il est très utile. Oh, that's a bit big. I think I need something smaller. Je suis désolée, monsieur. Ce dictionnaire est peut-être très utile, mais il est trop gros pour nous. Nous cherchons quelque chose de plus petit. Did you understand what was happening there? The bookseller offered Hélène the newest, most recently published dictionary, but it was too big for George's needs. He wants... quelque chose de plus petit. Something smaller.